Chapitre 13e. Rose partit en effet le lendemain matin. André, qui l'attendait en piétinant avec impatience devant la gare depuis plus d'une heure, la vit passer rapidement, enveloppée d'un manteau de voyage, le visage couvert d'un voile de gaze épaisse. Elle prit son billet, serra la main du jeune homme, qui vit à peine briller ses yeux au travers du tissu, et disparut. Le train s'ébranla, et ce fut tout. Elle avait toujours raison. À quoi bon attirer sur eux l'attention des voyageurs et des désœuvrés de la ville? Néanmoins, André, attristé, pensant peut-être qu'elle avait trop souvent raison, rentra chez lui silencieusement, trouva ses côtelettes brûlées, son vin amer, le pain détestable. Le cigare qui suivit était humide et ne voulait pas se laisser fumer. Le travail étendu sur le bureau était indiciblement ennuyeux et pénible. André alla voir Brun à son administration. C'était une surprise agréable que, de temps en temps, ses amis ménageaient à l'excellent garçon trop consciencieux pour quitter son fauteuil de cuir, quoiqu'il fît en vérité peu de choses tout le long du jour. « Te voilà !» fit Marcel, dont le visage s'épanouit en apercevant l'ingénieur. « Rien de nouveau ?» André referma la porte, s'assura qu'ils étaient seuls, se laissa glisser dans un autre fauteuil de cuir destiné aux confidences et doléances des habitants de Chartres, et dit « Elle est partie !» « Qui, mon Dieu ?» s'écria Marcel en levant les bras au ciel. Ce poète avait des gestes énormes, tout à fait en disproportion avec ses émotions. Peut-être était-ce un effet de la poésie qui autorise et même parfois exige l'amplification. « Mademoiselle Sorel, » dit tranquillement l'ingénieur. Brun regarda et laissa retomber ses bras. « Mademoiselle Sorel, tu connais une Mademoiselle Sorel, toi ?»« Rose Rosier, si tu préfères, » fit André impatienté. Mais comme elle ne porte ce pseudonyme qu'au théâtre, et que c'est sous ce nom véritable qu'elle vivait ici, je crois plus convenable de... Brun regardait toujours l'ingénieur avec attention. Tout à coup, il leva un doigt en l'air et fit une mine sérieuse. « Juste André, mon ami. Je vois Anguille Souroche. Dis-moi la vérité, cela vaudra mieux. Confesse-toi, d'autant plus que je crois. Tu n'es venu que pour cela. » André fit un mouvement d'humeur. Autant il est facile et doux de s'épancher quand les circonstances s'y prêtent, autant il est désagréable de s'entendre sommer de révéler ses secrets. Il ne dit mot et tourmenta la chaîne de sa montre. « Eh bien ?» fit Brun. « Je ne te dirai jamais rien, même si j'avais quelque chose à dire, » répliqua Juste. « Et pourquoi ?»« Parce que tu le répéterais immédiatement à Madame Brun et alors... » L'heureux époux de Madame Brun éclata de rire. « Mauvais plaisant » dit-il à son ami. « Tu sais bien que je ne lui confie que ce que je veux répandre dans un nombre public. Garde le silence sur tes secrets, mon cher, c'est ton affaire. Mais au moins dis-moi pourquoi notre jolie petite amie est partie subitement. Ou sans cela, je te ferai remarquer qu'il était inutile de venir m'annoncer son départ. » La question ainsi posée n'était pas moins embarrassante. André, cependant, prit son parti. Elle a eu envie de retourner à Paris pour voir s'il pouvait rentrer au théâtre. « Subitement !» « Tu n'es pour rien dans cette détermination. »« Moi ?» fit André, élu dans la question. « Ah, je te jure bien qu'elle ne m'a pas consulté. »« fit Marcel d'un ton de doute. « Enfin, c'est pourtant bien drôle qu'elle se soit envolée ainsi, sans nous dire adieu. »« Veux-tu savoir la vérité ?» dit Juste, pris d'une inspiration soudaine. « Eh bien, elle était peinée de te voir décamper avec Langlois avant-hier soir. » Cela ressemblait par trop à la jolie pièce « Je dîne chez ma mère ». Tu la connais, non? Cela ne fait rien. Langlois l'a quitté un peu brusquement, mais après tout, comme époux et père, il était excusable. Mais toi, je te le demande, qu'avais-tu besoin de courir après lui? Marcel Brun baissa piteusement la tête, car il sentait le reproche mérité. « Enfin, dit-il, si c'est une faute, ce n'est pas un crime, et elle nous punit bien durement. Elle reviendra peut-être. » fit André d'un air détaché. Brun exprima du geste qu'il ne se fondait guère sur cet espoir chimérique. « Toi, » dit-il ensuite, « je ne te plains pas. Tu vas recommencer tes promenades à Paris. »« Non, » dit imprudemment le jeune ingénieur, « pas d'ici quelque temps. »« Ah, » pensa Marcel, « il se boude. »« Mais, » reprit André, « tu peux y aller, toi, à Paris, tu la verrais. »« Et je lui parlerai de toi. Ce n'est pas bête, cela, sais-tu ? « Mais il faut pour cela que tu me donnes son adresse. »« Je ne l'ai pas, » répondit Juste, stupéfait de sa propre négligence. La vieille bonne s'est envolée aussi ? Demanda Brun. Non ! Ah ! Quelle idée lumineuse ! N'est-ce pas ? Fit Brun en se rengorgeant avec modestie. Eh bien, ton chemin est tracé. J'y vais, répondit l'ingénieur en se levant. Mais tu iras à Paris ? Hé hé ! Répondit l'employé. On ne sait pas. Que dira ma femme ? Tu lui annonceras que tu y vas pour affaires administratives. Et tu lui rapporteras un chapeau, suggéra son ami. Eh, ça vaut qu'on y réfléchisse. Une heure après, André savait que Rose était descendue à l'hôtel du Louvre et Brun avait promis de partir pour Paris dans la semaine qui suivrait.